tu es guéri. Puis c'est comme, je vous le dis, c'était pas une voix audible, là, mais je l'ai entendu super fort dans mon esprit. Ça m'a dit, tu es guéri. Là, je me suis mis à crier, je hurlais dans la maison. Mon mère, il monte, pensait que ma mère était morte ou quelque chose, tu sais. Je venais d'apprendre une mauvaise nouvelle. Puis là, j'étais là, j'avais de l'eczéma purulent ses mains depuis l'âge de 15 ans. Là, purulent, là, tu pouvais pas donner la main à personne. C'était quasiment en décomposition, mon affaire, là, tu sais. Puis, tu sais, j'avais deux enfants, là, les mains d'un couche dans l'eau tout le temps. Puis, je pouvais même pas, c'est mon mari qui me lavait les cheveux, ça brûlait, ça piquait, ça... Puis quand j'ai eu quand ça m'a dit ça, là, mon mari était comme, j'essayais de dire, je suis guérie, je suis guérie. Puis lui, il était là, il regardait mes mains, puis c'était comme, mais folle, c'est comme, mais pas guérie pantoute. C'est comme, c'est pire que pire, je sortais du bain, tu sais, c'est comme, c'est encore plus rouge que d'habitude, tu sais. Puis là, j'étais là, t'étais là, je veux pas péter ta bulle, chérie, mais il dit, t'es pas guérie, là. Puis là, j'étais, oui, je suis guérie, parce que j'avais une conviction. Puis dans les trois jours qui ont suivi, mes mains sont revenues parfaite. Mais après des années. Puis ma mère peut vous témoigner comment elle a pleuré puis qu'elle a prié pour cette guérison-là. Alors, la troisième clé, c'est résister. Résister. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à résister? Dans Jacques, ça dit, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Dans Pierre, ça dit « Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. » Dans la foi, c'est quoi la foi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein? Fait que la foi, c'est croire sans avoir vu. Fait que ça nous dit une façon de résister à l'ennemi, c'est de continuer à avoir la foi même si on voit pas le résultat. Dans Éphésiens, ça dit « Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. » Dans Éphésiens, encore, ça dit « C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra les jours mauvais, hein, pas si. » Avez-vous vu? C'est « quand les jours mauvais. » Donc, il va en avoir. « Vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu, donc, hein, ça se fait pas tout seul, ça, là. Il y a un combat qu'on doit livrer. Après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. C'est-tu pas merveilleux, ça? Dans Luc, Jésus a dit à Pierre, qui à ce moment-là était Simon, son vrai nom, c'est Simon. Simon, Simon, écoute, Satan a demandé, il a demandé, parce qu'il doit demander, hein, il n'y a rien que l'ennemi ne peut faire. Dieu permet des choses. Il permet des choses. Jamais qu'il va permettre quelque chose qui va être au-dessus de nos forces ou qui va nous amener à notre destruction. Mais des fois, Seigneur, il permet qu'on vive des épreuves pour qu'on puisse grandir et qu'on puisse développer notre foi aussi. Si on n'avait pas d'épreuves, frères et sœurs, votre foi tiendrait à rien. La foi tient sur des résultats que vous avez eus par rapport à des prières et à des victoires que vous avez été chercher, vrai? Donc, Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous, hein, pas juste toi, tous au crible comme on le fait pour purifier le grain. Mais, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus lui-même, il a fait quoi? Mais j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Hein, parce que là, il allait passer une période difficile, fait qu'il était pas nécessairement capable d'encourager, mais le Seigneur a dit, mais quand tu vas être rendu là, puis tu vas être fortifié, puis ça, là, tu vas être en mesure, fais-le pour tes frères, toi aussi. Donc, à quoi est-ce qu'on on doit, à qui et à quoi on doit résister? On l'a vu dans notre histoire, dans notre petit court moment avec Daniel, que on ne lutte pas contre la chair et le sang. Hein? Des fois, on a l'impression qu'on lutte contre des personnes. C'est sûr, si tu es un lutteur ou tu es un boxeur, tu luttes vraiment contre quelqu'un. Mais dans la vie chrétienne, on lutte contre, dans Éphésiens, ça dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais on lutte contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. » Pas du monde terrestre, mais du monde céleste. « Les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. » Donc, vous rappelez-vous dans Daniel, quand que l'ange lui dit, je l'avais la réponse de Dieu, là, je te l'amenais, mais je devais combattre qui? L'ange protecteur de la Perse, là, c'était pas un ange de Dieu, là. C'était un ange démoniaque. C'était vraiment une principauté, une autorité céleste qui gardait la Perse. Puis non seulement il y avait l'ange qui dominait sur la Perse, mais en plus, il dit, quand j'ai réussi à passer ça, j'ai eu quoi? Il y avait l'ange qui protégeait la Grèce en plus. Donc, l'ange a dû combattre pour percer plusieurs couches d'opposition spirituelle. Donc, dans notre vie, c'est la même chose. Des fois, on vit des choses où est-ce que la réponse ne vient pas tout de suite. Pourquoi? Parce que il y a une guerre spirituelle contre nous. Donc, il faut laisser le temps aussi à la puissance de Dieu d'agir à l'action du Saint-Esprit d'agir dans cette situation-là. Puis des fois, je veux faire une petite nuance aussi. Des fois, on n'a juste pas de réponse. Pourquoi? Parce que c'est juste pas la volonté de Dieu pour notre vie. Hein? Tu sais, parce que ça dit qu'en accord, il nous accorde tout selon sa volonté. Hein? Des fois, on demande des choses puis on pense que c'est bon pour nous. Mais Dieu qui connaît toutes choses puis qui nous aime plus que tout, plus que nous-mêmes, mais lui, il va juste pas te l'accorder, pas parce qu'il t'aime pas, juste parce que c'est pas la bonne chose pour toi. Puis si tu es patient puis tu lui fais confiance, mais tu vas voir, il y a quelque chose d'encore mieux qui va se présenter que tu n'avais même pas pensé ou imaginé. Donc, il y a une guerre pour notre âme. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré le fait qu'il y a une guerre contre notre âme et qu'on peut vivre de l'opposition spirituelle, nous avons la quatrième clé qui est le pouvoir de chasser. Donc, c'est quoi le pouvoir de chasser? Tu peux passer à l'autre, ma belle Annie. Chasser des esprits. Eh oui, ça existe. Pas juste dans les films. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes au Seigneur, même si vous êtes nouveau chrétien. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà vécu une attaque spirituelle, que vous êtes conscient que vous avez vécu? Ça peut être dans les rêves, ou ça peut être dans toutes sortes de moments, des moments de prière, d'intercession, où ce que vous allez vraiment être attaqué spirituellement. Une attaque spirituelle, ça peut être la maladie, ça peut être un drame que vous vivez, mais ça peut littéralement être vraiment un combat spirituel avec des êtres spirituels. Mais on a l'autorité sur ces choses-là. On ne doit pas avoir peur de ces choses-là. Puis souvent, moi, ça me fait toujours... ça me fait pas rire du tout, là. Ça me fait plutôt frissonner, je vous dis, quand il y a des gens, des fois, qui me disent « Ah, moi, j'aime pas ça parler de ça, j'aime pas ça entendre... » Quand des chrétiens, surtout des chrétiens, quand ils me disent ça, « moi, les choses spirituelles, les démons, les esprits... » C'est parce que c'est ta job. C'est parce que dans ta vie... En tant qu'enfant de Dieu, tu es un combattant puis tu es appelé non seulement à combattre pour ta vie, mais des fois, ça se peut que tu vas avoir à combattre pour quelqu'un qui, lui, a besoin d'une délivrance. Fait que si tu as peur puis que tu veux pas en parler puis que tu veux pas savoir c'est quoi ces choses-là, mais tu vas faire quoi quand ça va t'arriver? Parce que ça se peut que ça t'arrive sans que tu l'aies demandé, puis surtout pas, ça arrive jamais au moment opportun. Hein? Il n'y a jamais de bon moment pour que quelqu'un manifeste devant toi ou qu'il arrive quelque chose comme ça. Mais des fois, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis on n'a pas besoin d'avoir peur parce que on connaît la puissance qu'on a. Moi, je connais aucun chrétien qui a eu une manifestation ou qui a vécu des attaques puis qui en est sorti mort. OK? J'en connais pas. Peut-être que vous en connaissez vous autres, là, mais puis je dis pas que ça. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Que tu sois ébranlé, que tu sois secoué, que tu restes surpris, que tu sois déstabilisé, que ça vienne jouer dans ta compréhension des fois, on a une théologie par rapport à ça, puis là, oups, ça vient ébranler ta théologie, peut-être. Mais ça ne peut pas te dominer, ces choses-là. Tu as le pouvoir de le chasser. Puis, comment des esprits peuvent s'infiltrer? Comment les esprits? Ce qui est bien important, la première phrase qui dit « Les esprits mauvais n'ont d'emprise que le pouvoir que vous leur donnez sur votre vie. » OK? Parce que les esprits, là, ils ont aucun pouvoir sur toi si ce n'est celui que tu lui accordes. Tu ne pourras jamais être possédé par tu sais, premièrement, la possession, ça prend une invitation. OK? De la même manière que quand on invite le Seigneur dans notre vie, on lui donne le droit, l'autorité. C'est rare que quelqu'un va dire, OK, Satan, viens dans ma vie, prends tout, prends, tiens. Je veux dire, il a besoin d'une invitation. Donc, tout le reste, là, c'est surtout, comme je dis, c'est des attaques, c'est de l'opposition spirituelle qui viennent sur nous. Et plus, puis comment que l'ennemi peut s'infiltrer sur notre vie? La parole nous enseigne que de tolérer un ou des péchés dans notre vie, hein? Quand on tolère, qu'on entretient un péché, qu'on sait que c'est mauvais pour nous, que c'est néfaste, puis qu'on continue de l'entretenir, à un moment donné, ça l'ouvre une porte à l'ennemi pour prendre de plus en plus d'emprise, que ce péché-là vienne qu'à nous dominer. Ensuite de ça, des fois en se nourrissant, il y a certains films, certains livres, certaines musiques même qui peuvent vraiment dégager des toutes sortes de mensonges ou vraiment il y a des puissances occultes là, qui peuvent vraiment venir qu'à jouer dans votre tête et avoir une emprise sur votre vie. Vous allez voir les gens qui jouent avec les sciences occultes, là, c'est pas une joke, là, ils s'en passent des affaires, là, ils en vivent des affaires. Eux autres, là, tu vas leur parler des choses spirituelles, là, sont bien plus allumés que bien des croyants parce qu'eux autres, ils en voient des choses arriver à travers sinon, ils en feraient pas, ils joueraient pas avec l'occulte, justement. Ensuite de ça, des pensées mensongères qu'on s'approprie, hein, des mensonges qu'on laisse s'infiltrer dans nos pensées. Ça peut être un événement traumatique. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui sont liés par un esprit de peur suite à un événement traumatique? Ça peut être un accident d'auto, ça peut être un abus quelconque qui a vraiment créé une peur. Et ces gens-là sont littéralement liés par la peur. La peur les domine. Mais quand quelque chose te domine puis que tu n'as plus de contrôle dessus puis que ça t'empêche de vivre littéralement puis de faire des choses, c'est un indice qu'on peut se dire, oups, OK, là, il y a peut-être un lien spirituel. C'est plus juste une peur normale qui me permet d'éviter un danger, mais c'est une peur qui me domine, qui est comme, elle a une emprise sur moi, elle me tient dans la captivité. Elle paralyse, oui. Ensuite, pratiquer des sciences occultes, donc consulter un médium, se faire lire dans les lignes de la main, parler aux morts, tout ouvrir ou s'ouvrir à des guides spirituels. Ça, c'est toutes des façons où on ouvre une porte finalement à l'ennemi pour venir s'infiltrer. Puis je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai du temps. Non, c'est pas à bonne heure, hein? Quelle heure qui est? Oui? OK. Une petite parenthèse par rapport à ça. Puis quand je dis que l'ennemi nous prend tout le temps, où est-ce qu'on pense qu'on est toujours le plus fort? Moi, je me dis, les échecs que j'ai eus dans ma vie, ils vont avoir servi à une chose, c'est de vous encourager puis vous dire que vous êtes pas dessus. Mais il y a quelques années, on vivait un mariage assez tumultueux, mon mari et moi. Puis, je travaillais à ce moment-là, j'animais des groupes de thérapie. Puis, je travaillais avec un psychologue qui, je savais pas, mais lui, il lisait dans les lignes de la main. Fouille-moi, il faisait ça à temps partiel là, dans son... C'est ça. Puis, je me rappelle, dans cette période-là, là, je trouvais ça vraiment difficile. Je luttais pour rester dans ce mariage-là. Puis, à un moment donné, ce monsieur-là, on était à la pause. Puis, j'avais beaucoup confiance en... Il était beaucoup plus âgé que moi. Puis, il était comme un peu un papa. Tu sais, il me coachait. J'étais vraiment au début je commençais là, en travail social. Tu sais, j'avais pas beaucoup d'expérience. Puis, il me coachait beaucoup. Puis, j'avais beaucoup confiance en lui. Puis, à un moment donné, on est à la pause. Puis là, il regarde mes mains. Mais moi, tu sais, j'avais full... j'avais plein d'eczéma. Fait que moi, j'étais tellement habituée de me faire dire, « Bon, t'utilises-tu cette crème? » Ou, tu sais, fait que j'étais sûre qu'il regardait mes mains me dire une nouvelle crème ou une nouvelle affaire que j'avais pas essayé déjà. Puis là, il commence à me dire, « Et dis-toi, quand t'étais jeune, t'as vécu telle affaire. » Écoute, c'était tout vrai, là. Puis là... Puis moi, j'étais tout le temps genre à me dire, tu sais, les chrétiens qui se font poigner là-dedans, tu le sais, là, tu sais, la Bible est claire, tu consultes pas les médias, mais là, il m'a vraiment pris dans un moment où je m'en attendais tellement pas, puis tout de suite, hein, tu sais, l'ennemi, il sait, s'il avait commencé à juste me dire, je peux te lire dans les lignes de ta main, c'est sûr, je l'aurais bloqué, mais là, il m'a pris dans un moment, il s'est mis tout de suite à me dire des choses sur ma vie qui étaient vraiment arrivées quand j'étais jeune. Mais non seulement, fait que là, déjà, il a capté mon attention, puis là, j'étais un peu confuse, parce que je me disais, OK, c'est pas le Seigneur qui révèle certains, mais en même temps, aïe, il est comme right on, le gars, tu sais. Puis là, il commence à me dire, puis là, tu sais, j'aurais pu dire tout de suite, Hey, OK. Non, non, tu sais, moi, je crois pas là-dedans, puis j'arrête ça là, tu sais. Mais il a piqué ma curiosité, puis sais-tu quoi? Je l'ai laissé faire. Puis là, il s'est mis à me dire, je vois que tu n'es pas heureuse avec ton mari, que tu vis de toutes sortes de choses, puis tout ça, puis de ce que je vois dans ta ligne, c'est que c'est pas le seul homme de ta vie que tu vas avoir. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient. Ça, c'est juste comme une relation passagère. Puis moi qui combattais, tu sais, tellement dans mon esprit, puis qui vivais tout le temps, si un jour ça peut finir pour que je recommence. Puis il dit, c'est pas l'homme de ta vie, puis ça, puis il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient. Il y a vraiment un âme sœur. Tu vas rencontrer ton âme sœur. Ça s'en vient, tu sais. Ouais, là, OK. Là, quand il m'a dit ça, là, je shakais, je suais, là, j'étais comme, OK, arrête. Là, j'ai fait comme, OK, arrête. Mais savez-vous, c'est quoi la gaffe? C'est qu'un coup que tu laisses rentrer ce mensonge-là, parce que dans le fond, c'était un mensonge. Parce que moi, Dieu m'a dit qu'il allait me donner la force et la persévérance de persévérer jusqu'à la fin. Puis, j'étais pas avec un homme violent ou quelqu'un, là, qui m'aurait donné une raison légitime, là, de partir, là. Puis, du moment que j'ai accepté ce mensonge-là, je vous garantis, j'ai commencé à être tourmentée, là, mais tellement tourmentée dans mes rêves, dans toutes sortes de situations. Le combat est devenu, là, 100 fois plus difficile. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, probablement à travers la prière, ou je sais pas, je me rappelle plus, là, parce que ça fait vraiment longtemps, mais à un moment donné, j'ai réalisé, wow, OK, Marfance, là, t'as cru à un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Puis, il va falloir que tu brises ça, parce que si tu ne brises pas le pouvoir de ce mensonge-là sur ta vie, c'est clair que ça se termine. Là. C'est clair, ça se termine. Puis, je me rappelle, je me suis repentie d'avoir laissé ce gars-là déclarer ces choses-là sur ma vie. Je me suis repentie. Puis, j'ai vraiment brisé dans le nom de Jésus tout le pouvoir de ce mensonge-là sur ma vie. Et vous voyez, ça fait peut-être une quinzaine d'années de ça, et je suis encore avec mon mari, et non, il n'y a pas d'autres personnes. Puis ce qu'il avait déclaré sur « tu vas rencontrer un âme sœur », il y a eu cette épreuve-là qui s'est présentée quelques mois plus tard avec quelqu'un qui était vraiment, oui, effectivement, mais encore là, le Seigneur m'a vraiment donné le discernement et la sagesse de dire « OK, non, tu sais, donc c'est ça ». Donc, consulter des morts et tout ça. Pourquoi qu'on ne doit pas le faire? Parce que tout ce qui va ressortir de ça, c'est des mensonges. Et si on croit aux mensonges, le mensonge peut avoir une puissance sur notre vie aussi. Ensuite, une autre façon que l'ennemi peut s'infiltrer dans notre vie, c'est le manque de pardon. Hein? Si on reste dans l'amertume, dans la colère, l'envie, la jalousie, l'insécurité, c'est toutes des portes encore là qu'on ouvre à l'ennemi qui peut venir nous dominer, puis qui peut faire en sorte qu'on devient vraiment lié par toutes sortes de choses. Ensuite, tolérer des faux enseignements ou des faux prophètes. Et celui-là, il n'est pas sur le PowerPoint, mais des mensonges ou des paroles de mort qui ont été déclarées sur notre vie. Hein? Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont déclarer des choses sur notre vie, des choses méchantes, ils vont nous traiter de noms, ou ils disent des choses qui vont faire en sorte que ça laisse une empreinte, ça nous envahit, ces pensées-là deviennent une réalité sur notre vie. Hein, tu te fais dire que t'es poche, que t'es niaiseux, moi je le vois là avec les jeunes avec qui je travaille, les paroles de leurs parents à répétition dans leur vie font en sorte que ça s'actualise là. Alors ça aussi là, ces mensonges-là, c'est des choses qui doivent être brisées. Puis d'autres fois, ben on fait ce qu'on a à faire, on n'ouvre pas de porte. On se protège puis tout ça spirituel, mais ça se peut qu'on vive de l'intimidation spirituelle. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas qu'on a fait quelque chose de pas correct, c'est juste qu'on dérange l'ennemi. Hein? On dérange l'ennemi. Moi, souvent, les gens, ils me disent, comment, tu sais, ça te fait pas peur quand tu as des attaques ou, ben non, au contraire. Moi, j'ai comme l'impression que si l'ennemi, il est obligé de venir m'attaquer ou m'intimider, c'est parce qu'en quelque part, je dois faire ma job. Tu sais, je prie pour des gens, j'intercède, jeûne. Fait que je me dis, wow, je dérange. Tu sais, comme Paul. Tant mieux si l'ennemi, tu sais, quand Paul, il dit, quand il y a un homme rempli d'un mauvais esprit qui dit, à un moment donné, aux compagnons Paul, il dit, toi, je te connais pas, mais lui, je le connais, par exemple. Lui, il me dérange. Ben, c'est pas ça que vous voulez être, vous, dans le royaume de Dieu? Un chrétien qui dérange. Donc, soyons pas surpris. Des fois, soyez même, je vous dirais, honorés si vous pouvez, si vous vivez des attaques spirituelles, parce que ça montre en quelque part que vous dérangez, puis l'ennemi, il est vraiment obligé de monter d'une coche pour venir vraiment vous déstabiliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive, ces choses-là? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vécu, mais est-ce qu'il y en a pour vous que c'est pas clair qu'est-ce que je dis en ce moment, que vous savez pas c'est quoi une, qu'est-ce que ça peut avoir l'air une attaque spirituelle? Parce qu'il y en a qui l'ont vécu, mais est-ce qu'il y en a qui ont jamais, puis tu sais, est-ce qu'il y en a qui ont jamais vécu ça, une attaque spirituelle? Tout le monde ici a vécu une attaque spirituelle? OK. Ça peut être, tu es en prière des fois, puis littéralement, tu peux avoir... moi, je me rappelle, une fois, j'étais en train de jeûner puis prier pour quelqu'un, puis littéralement, j'ai senti comme une main qui venait me fermer la bouche. Là, je grinçais des dents tellement que ça me pesait comme ça. D'autres fois, tu es couché dans la nuit, puis tu vas littéralement voir des esprits, puis tu vas être attaqué, ça va t'étouffer. Il y en a qui... Tu sens qu'il y a comme quelqu'un qui est assis sur toi ou t'es paralysé, hein? Puis tu peux pas parler. Puis la seule chose que tu peux faire, c'est prier en langue ou juste crier Jésus, Jésus, Jésus dans ta tête, tes pensées, parce que t'es comme paralysé. Puis là, oups, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous restez paralysé? Mais non, vous êtes tous ici ce matin. Fait que ça fait, ça s'en va, hein? Donc, puis, on est normal. Oui, vous êtes pas fous. Vous serez pas internés. Puis je me rappelle même, il y a peut-être 4-5 ans, il y a Noël. Moi, je suis quelqu'un qui est très positif. Tu sais, j'ai jamais connu ça. La dépression tu sais, vraiment être down ou avoir peur j'ai jamais connu ça de ma vie. Puis, il y a quelques années, j'étais à un Noël, puis ça m'a pogné comme du jour au lendemain. Je me suis mis à avoir peur. J'avais peur des gens, j'avais peur de sortir. Écoute, j'étais littéralement folle. J'ai passé le Noël, ce Noël-là, je l'ai passé dans mon garde-robe. J'ai passé, hein, chérie, comme 4-5 jours dans le garde-robe caché. Mon mari était là, mais voyons, tu sais, voyons, on a des parties de Noël, sors de là, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Puis j'étais paralysée, j'étais là, je suis pas capable, puis là, je faisais juste pleurer, puis j'avais peur de sortir de chez nous, puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, parce que j'avais jamais vécu ça. Après ça, j'avais des pensées de mort, j'avais juste le goût de me faire mal, ça me disait « fais-toi mal », tu sais, vraiment de m'auto-mutiler. Hey, je me sentais comme mes ados avec qui je travaille, tu sais, j'avais juste le goût de mourir, c'était tellement noir, puis là, on priait, puis je comprenais pas, mon mari, à un moment donné, j'étais couchée à terre, puis je disais « je vais mourir ». Écoute, pour aucune raison. Puis là, il me dit, OK, là, il dit, là, je t'amène à l'hôpital, là, tu me fais peur. J'étais comme, non, mais tu sais, non, amène-moi pas à l'hôpital. C'est clair, je me fais interner, tu sais. Mais là, j'ai dit, prie, tu vois bien que c'est pas normal, prie, tu sais, fais juste prier, tu vois bien que c'est pas moi, là, tu sais, je veux dire, c'est pas ma personnalité, là, ça m'a pris comme ça, là, au courant des semaines. Puis il s'est mis à intercéder pour moi. Puis il a appelé mes parents, il a appelé des amis proches, puis on dit, OK, priez, Marie-France, ça va vraiment pas bien, tout ça. Puis cette nuit-là, pendant la nuit, j'ai eu toutes sortes de rêves où j'étais attaquée. Je voyais littéralement vraiment des esprits, puis j'avais des noms, puis je prenais, dans mon rêve, je combattais, puis je prenais autorité de tous ces esprits-là, l'esprit de mort, l'esprit de suicide, l'esprit, en tout cas, je me rappelle plus tout, là, mais je commençais à prendre autorité, puis je me suis levée le matin, c'était fini. Je me suis levée le matin, là, c'était comme, ouf, j'avais comme 15 livres en moins, je me lève, tout est beau, de bonne humeur, c'était fini. Donc, voyez-vous, c'était vraiment comme, c'est là que ça nous prend aussi le discernement, hein? Tu sais, j'aurais pu me dire, j'étais en dépression, j'étais en burn-out, mais tu sais, je voyais bien, là, la façon que c'est arrivé, c'était bien trop rapide, il n'y avait aucune raison, ça allait bien mon travail, ça allait bien dans ma vie. Donc, c'est important de pouvoir discerner et on a besoin à ce moment-là de l'aide des gens autour de nous. Faut pas avoir peur ou honte de demander de l'aide quand ça nous arrive parce que on est appelé à combattre les uns pour les autres. Donc, pour faire le ménage spirituel rapidement, c'est pas compliqué, ça prend pas un manuel, vous avez pas besoin de lire des livres sur la délivrance pour savoir ça, OK? Un, on confesse le péché. Si c'est une attaque spirituelle, vous prenez autorité dans le nom de Jésus, puis vous continuez à prier, puis ça va s'en aller. Mais si vraiment c'est une porte que vous avez ouverte dans votre vie, qui a fait que vous avez une emprise, que ça a une emprise sur votre vie, première chose de faire, c'est confesser le péché. Deuxièmement, de vous repentir, de demander pardon pour d'avoir laissé rentrer la colère, pas la colère, parce que la colère, c'est un sentiment, la violence, on pourrait dire, hein? La colère, c'est sain, c'est normal. Dieu se met en colère. Mais là où c'est le péché, c'est la violence. Donc, on peut confesser ça peut être des pensées adultères, ça peut être l'alcoolisme. Donc, on confesse le péché. Deuxièmement, on se repent. Ensuite de ça, on prend autorité dans le nom de Jésus, puis on chasse cet esprit-là. Hein? Si c'est un esprit de peur, si c'est un esprit, tu sais, comme je vous dis, c'est l'adultère, si c'est de la toxicomanie, on prend littéralement autorité dans le nom de Jésus sur cette chose-là. Et ensuite de ça, un coup que c'est fait, ben, on demande la protection pour le futur aussi. Hein? On dit, Seigneur, ben maintenant, je suis délivrée de ça, mais qu'est-ce que je fais maintenant, Seigneur? Garde-moi, protège-moi, donne-moi d'être vaillant, d'être capable de veiller, puis de voir aussi, puis de discerner quand l'ennemi va essayer de se réinfiltrer, que je sois capable de tenir ferme pour pas rouvrir cette porte-là. Parce que vous pouvez chasser quelque chose, mais ça peut revenir. Donc, c'est à vous de veiller, de prier, de résister pour pas vous être obligé de chasser. Hein? Donc, on demande la protection pour le futur et ensuite, on utilise les trois premières clés qui sont veiller, prier, résister. Pourquoi? Pour demeurer libre. Puis, un autre exemple concret par rapport à ça, je pourrais vous donner, encore une fois, c'est dans ce moment de lutte et de combat dans le mariage. Moi, j'ai pas vécu ben de combat dans ma vie avec l'alcool ou des choses comme ça, mais le combat de ma vie, moi, c'était le mariage. Puis, il y a quelques années, c'est sûr que quand ça va pas bien, tout ça, puis t'es comme décroché émotionnellement, ben ça ouvre une porte, hein, à juste fabuler, à rêver d'une autre vie, puis à penser, avec telle personne, ça serait peut-être mieux. Puis je suis franche avec vous, j'ai absolument rien à cacher, on est tous des êtres humains ici. Puis, mais je vous le dis, là, j'avais réouvert cette porte-là, parce que ça, c'est des quelques années après la fameuse affaire des lignes de la main. Puis, je combattais tellement souvent avec des pensées, là, c'était fou. J'étais, tu sais, des fois tu vas voir quelqu'un ou tu repousses ça puis ça finit là, mais moi j'étais littéralement envahie, autant dans mes rêves le jour, c'était un combat, puis je me disais, mais voyons donc, c'est pas normal, ça a pas de bon sens, tu sais, je prie puis tout ça, mais c'est comme si ça m'attaque tout le temps, c'est comme ça m'empoisonne ma vie, ça m'empêche de focusser. Puis un moment donné, j'étais dans un temps de prière. Puis là, je priais vraiment pour ça, parce que je me disais, je peux pas continuer comme ça, ça n'a pas d'allure. Tu sais, à un moment donné, le combat, il est malsain, puis deuxièmement, je vais tuffer, moi, là. Puis j'ai commencé à prier sur là, puis là, le Seigneur, ça m'a dit, puis j'étais en train de prier vraiment pour que le Seigneur me libère de ça, que j'arrête ce combat-là. Puis le Seigneur m'a dit, t'es une adultère. Là, j'étais là. Pardon? Hey, wow! Tu sais, c'est comme, OK, j'ai des pensées puis tout ça, mais tu sais, j'ai jamais croisé un gars, j'ai jamais fait d'avance à personne, j'ai jamais couché avec quelqu'un d'autre. C'est quoi? Je comprends pas, tu sais. Ça m'a dit, moi, dans ma parole, ça dit que si même t'as pensé, si t'es déjà ailleurs dans ta tête, t'es pas avec ton mari, là, t'es en train de construire d'autres choses ailleurs. T'es une adultère. Puis là, ça, l'Esprit de Dieu a commencé à me montrer dans la Bible comment un des péchés qu'il détestait le plus, c'était l'adultère, hein, parce que l'adultère, Dieu, Jésus, Christ est l'époux. Et nous, on est l'épouse. Puis là, dans mon esprit, se passait toute cette façon de cette approche-là de voir que si t'es pas capable d'être fidèle avec ton mari, même dans tes pensées, tu seras pas capable d'être fidèle envers moi non plus. Puis là, il rappelait tout le peuple d'Israël, comment que Dieu avait été tellement bon tout le temps, mais il arrêtait pas, ça disait, vos cœurs sont adultères. Puis là, je me suis mis à pleurer, puis j'étais comme, aïe, t'as raison, je suis adultère. Puis là, j'ai commencé à confesser, je suis adultère. Seigneur, je te demande pardon parce que je suis adultère pour ce péché-là. Puis j'ai commencé vraiment à me repentir devant Dieu. Puis je vous garantis, ça, j'ai vécu vraiment une délivrance dans mon garde-robe cette fois-là. J'ai plus jamais recombattu avec ça. Même dans mes rêves, tu sais, autant que t'as pas le contrôle sur tes rêves, tu sais, des rêves, ça t'arrive de même, là, c'est ça que je trouvais difficile aussi, ben, je me disais, voyons, je prie avant de me coucher, pis tout ça, je lis ma parole, je comprends pas, tu sais, mais j'étais envahie, mais à partir de là, c'était fini, j'ai plus jamais recombattu les rêves, c'était fini, puis des fois, pas que je dis pas que je suis comme ultra résistante, puis qu'il y a jamais comme, mais maintenant, le combat, il n'est plus de l'intérieur. Fait que s'il y a quelque chose qui se passe ou qu'une pensée qui vient, tout de suite, je peux la chasser parce que le combat, il n'est plus à l'intérieur. Il y a eu vraiment une victoire qui a été cherchée à travers la repentance et prendre autorité sur ces choses-là. Donc, pour terminer, je vais vous encourager en cette belle année 2017. Je vais vous laisser avec un verset qui est particulièrement, sont tous puissants, mais celui-là, il est particulièrement pour ce matin. Dans 2 Corinthiens 4, versets 7 à 12. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous, comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non quoi? Mais non écrasés. On est accablés par toutes sortes de souffrances, mais la différence, c'est qu'on n'est pas écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Jetés à terre, mais non anéantis. Donc, il n'y a rien qui est fataliste avec Dieu. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Alors, on va fermer les yeux ensemble. Puis, pendant que je priais, en me disant comment on va clôturer ce matin, on clôture juste comme ça. Ou, Seigneur, tu as vraiment quelque chose de particulier que tu veux faire ce matin. Puis, j'ai vraiment eu sur mon cœur de proposer la prière de repentance. Parce que peut-être qu'il y en a ce matin que vous savez c'est qui Dieu, vous connaissez Dieu, vous priez Dieu, mais vous avez jamais eu de moment où vous l'avez vraiment invité dans votre vie, à vraiment faire sa demeure, que son Saint-Esprit vienne habiter en vous. Et on peut croire en Dieu, puis Dieu va répondre à nos prières, il va agir quand même sur la vie. Il y a beaucoup d'incroyants qui vont prier, puis que Dieu va répondre, parce que Dieu est amour, il veut se révéler dans la vie des gens. Mais il y a quelque chose de super important qu'on doit faire si on veut que devenir des enfants de Dieu, c'est qu'on doit lui donner cette invitation. Lui, le Seigneur, ne va jamais se forcer sur quelqu'un, mais il va prendre sa place si on l'invite. Alors, si vous avez jamais fait cette prière-là, ou est-ce que vous invitez Jésus dans votre vie, on va vous donner l'opportunité de la faire ce matin. Fait que moi, je vous encourage tout le monde à fermer vos yeux. Puis en tant que famille, on va tous la prier, cette prière-là. Fait qu'il y a personne qui va être mis sur le spot ou quoi que ce soit. Mais si dans ton cœur, l'Esprit de Dieu en ce moment, là, ton cœur, il bat, là, puis que c'est vraiment fort à l'intérieur, puis tu sais que tu l'as jamais fait, cette prière-là, puis que tu sens que c'est le moment de le faire, mais prie-la à voix haute, on va la faire avec toi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci de m'avoir poursuivi jusqu'à temps que tu trouves un chemin à mon cœur. Jusqu'à maintenant, je croise en toi. J'entends que tu es un Dieu tout-puissant. Je vois qu'est-ce que tu es capable de faire. Je vois l'amour que tu as pour tes enfants. Mais je ne l'ai jamais expérimenté dans ma vie complètement. Alors, Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner. Je reconnais que je suis pécheur. Que jusqu'à maintenant, j'ai moi-même formé mon propre chemin. Je me suis peut-être faite même ma propre religion. Mais je comprends que si je m'abandonne à toi, tu as un chemin beaucoup plus clair et plus sain pour ma vie. Puis non seulement ce chemin-là peut m'amener une vie victorieuse sur la terre, mais c'est un chemin aussi qui mène à la vie et qui mène à la vie éternelle. Alors viens dans mon cœur, prends toute ma vie, je te la donne. Je m'abandonne complètement. Et je fais confiance que ce que tu as en réserve pour moi est beaucoup plus que tout ce que je pourrais penser, demander et même imaginer. Amen. Et pour terminer, on pourrait peut-être, en ce début d'année, juste prendre la personne, vous mettre avec la personne qui est à côté de vous. Puis si vous avez personne à côté de vous, trouvez-vous quelqu'un qui est toute seule. Puis on va juste, chacun votre tour, prier l'un pour l'autre. Déclarer vraiment la bénédiction de Dieu sur la vie de cette personne-là en 2017, que vraiment la volonté de Dieu puisse s'accomplir, qu'elle puisse expérimenter des victoires, que comme on chantait ce matin, « Sers-toi de moi de mes deux mains, prends toute ma vie, je te la donne », que notre vie soit utile cette année, qu'on puisse vraiment être une source de guérison pour quelqu'un, une source d'encouragement, que toute l'année, que ce soit des paroles de vie qui sortent de notre bouche, que notre témoignage de vie soit puissant. Alors, déclarez ça sur la personne qui est à côté de vous à tour de rôle, d'accord? Puis on va finir comme ça. Puis quand on va voir, on va se donner comme on va se donner comme un 5-10 minutes. Là, je vous demande pas de faire une prière qui finit plus. Là, hein? Ça peut durer juste une minute et demie. Puis quand on a fini, j'aimerais ça, si ça vous tente-tu de venir rechanter, « Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains, prends toute ma vie, je te l'offre comme une offrande. Hein? » Comme on l'a vu ce matin, nos prières, notre louange, c'est une offrande qui monte vers Dieu. Puis moi, ma prière, c'est vraiment que ces offrandes-là, je l'imagine tellement là, qu'à force de prier, à force que cette Église-là prenne vraiment au sérieux là, toute cette dimension-là, puis qu'on l'applique vraiment à 100%, quand le feu va prendre, quand l'ange va dire « Wow, OK, le bol est plein, pff, il va mettre le feu, puis qu'on va commencer à vivre les fruits », j'ai tellement hâte. Et d'ailleurs, moi, je suis tellement visuelle, puis dans mon garde-robe, justement, qui est un walk-in, là, je prie pas dans un... mais c'est un walk-in, j'ai comme débarrassé ça, hier, il commençait à être pas mal encombré, puis... Quand j'ai relu là, les bols d'or que c'est avec des prières, j'ai fait comme « wow ». Tu sais, au lieu de me faire une liste de prières, j'ai dessiné des bols, pas sur mon mur direct, sur des papiers que j'ai collés sur mon mur, mais j'ai fait un bol « ma famille ». J'ai fait un bol « mon église »,« ma communauté »,« mon travail »,« mes collègues de travail ». Puis là, le soir, ben ce que je vais faire, c'est que je vais visualiser. Bon, j'ai-tu rempli à 6 bols-là aujourd'hui? Tu sais, c'est comme une façon de visualiser puis de voir puis de mettre Dieu à l'épreuve aussi. Tu sais, quand le bol va être plein, là, va falloir que je voie de quoi là, arriver. Et j'en ai vu là, plein de choses arriver à cause de ça. Mais justement, je vous encourage, si ça peut vous aider, de visualiser puis de vous faire des petits bols. Vous pouvez découper des petits bols puis de les mettre dans votre Bible. Faites ça comme vous voulez. Mais je trouve ça tellement une image puissante de remplir les bols et qu'à un moment donné, oups, ça monte et il y a un ange qui vient pff, allumer tout ça, puis ça redescend avec puissance. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, on va aller prier pour quelqu'un aussi.